Moesta et Erabunda. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe, loin du noir océan de l'immonde cité, vers un autre océan où la splendeur éclate, bleu, clair, profond, ainsi que la virginité. Dis-moi, ton cœur parfois s'envole-t-il, Agathe ? La mer, la vaste mer console nos labeurs. Quel démon a doté la mer, rauque chanteuse, qu'accompagne l'immense orgue des vents grondeurs, de cette fonction sublime de berceuse. La mer, la vaste mer, console nos labeurs. Emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate, loin, loin. Ici, la boue est faite de nos pleurs. Est-il vrai que parfois, le triste cœur d'Agathe dise, loin des remords, des crimes, des douleurs, emporte-moi, wagon, enlève-moi, frégate. Comme vous êtes loin, paradis parfumé, où sous un clair azur tout n'est qu'amour et joie, où tout ce que l'on aime est digne d'être aimé, où, dans la volupté pure, le cœur se noie. Comme vous êtes loin, paradis parfumé. Mais le vert paradis des amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, les violons vibrant derrière les collines, avec les brocs de vin le soir dans les bosquets. Mais le vert paradis des amours enfantines, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs, est-il déjà plus loin que l'Inde et que la Chine ? Peut-on le rappeler avec des cris plaintifs et l'animer encore d'une voix argentine, l'innocent paradis plein de plaisirs furtifs ?